الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc on va poursuivre ce qu'on avait débuté la dernière fois, qui était cette réfutation des fatawas de Chalabi, et dans lesquelles on a donné un échantillon qui prouve que cet homme-là n'est pas apte à remplir cette fonction dans laquelle il s'immisce actuellement. Et avec ardeur. Donc on poursuit là avec quelques autres audios que j'aimerais mettre ici. Là je vais en mettre un là. J'explique une fois de plus que je l'ai coupé pour résumer à la question la réponse. Car il a donné un certain nasa'ih. Mais moi j'ai juste coupé la question et sa réponse. Donc comme je l'ai dit une fois de plus, cette coupure n'altère en rien le sens. Il n'y a pas de tricherie derrière. Donc voici l'audio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حياكم الله. Nous sommes un couple qui la hijra. Malheureusement, nous avons dû retourner en France. Wallah musta'an. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour faciliter la hijra. Nous aimerions faire des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer les examens dans l'université en sachant qu'il y aura peut-être la mixité. Est-ce que cela est permis? Barakallahu fikum. Dans un cours, vous avez conseillé d'avoir un diplôme pour passer la hijra. C'est vrai. C'est vrai. Pour celui qui n'a pas encore fait la hijra, qui profite alors d'avoir un diplôme. Et qui ne vienne pas ici pour aller tendre sa main et dire « Aidez-moi, je suis dans la roche, je peux pas gérer ceci, cela. » Cherche un diplôme, fais un diplôme. Un diplôme de plombier, un diplôme de pâtissier, un diplôme d'électricien, un diplôme... Tout ça, c'est très demandé. Et c'est ce genre de travail, pâtissier, plombier, électricien, mécanicien, ce genre de travail ne se finit jamais. Dans tous les temps, dans toutes les sociétés, à tout temps, on a besoin d'un électricien. Et on a, voilà, métier d'or. On a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un pâtissier, on a besoin de quelqu'un qui travaille à un pizzario, et comme ça. On en a toujours besoin, toujours, toujours. Comme le comptable. Le comptable, on a toujours besoin d'un comptable. Toutes les sociétés ont besoin d'un comptable. Et comme ça. Donc là, on profite hein, de faire yani, un métier. Comme ça, là où elle va travailler. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Nous aimerions des études à l'université à distance. Cependant, nous devons passer des examens dans l'université, sachant qu'il y a peut-être la mixité, elle se permet. Le jour où la personne va passer l'examen, yani, être dans la mixité, mais ce n'est pas obligé d'être collé à la personne. Quand je vais passer l'examen, la personne est dans sa table, moi je suis dans ma table, il est loin de moi, je suis loin de lui, je ne lui parle pas, il ne me parle pas, et comme ça. Non. C'est une journée ou deux pour l'examen, ou trois au maximum. C'est pas ça la mixité yani, qui est interdite. La mixité est interdite parce que on est toute l'année ensemble et on s'assoit ensemble et on parle et on discute et ça va nous amener à des choses qui sont haram. Mais quand je vais passer un examen d'une journée ou deux journées, je suis dans la daroura. Je n'ai pas d'autre solution. Pour avoir mon diplôme, je suis obligé d'aller passer cet examen. Et quand je vais passer l'examen, je crains de la tala au maximum. Si je suis un homme, je m'éloigne des femmes au maximum. Non, je ne parle que dans le besoin. Si je suis une femme, je me mets à l'arrière. Non, tout à fait en arrière. J'évite les hommes au maximum. Et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Non. Taïeb. Donc d'abord, j'explique que c'est. Après que ces gens lui aient posé la question par rapport à la hijra qui sont rentrés à Kaza et Kaza. Il a fait une nasiha, jazala ou khayra, dans lequel il blâme le fait de rentrer de la hijra sans raison légiférée. D'accord? Et après, il donna sa réponse. Donc là, je voudrais que vous remarquiez bien une chose. C'est des points importants qui démontrent encore son tarabbot, sa confusion, et son tanako de ses contradictions. C'est qu'il dit, par rapport à son diplôme, c'est pour faciliter la hijra. Ensuite, lorsqu'il parle de la daroura, dans cet examen de la mixité, il dit que c'est une daroura, j'ai pas d'autre solution. Constaté. Et pour couronner le tout, il dit également, lorsqu'il définit cette mixité, il dit, c'est pas de la mixité qui est interdite. J'espère que la chose, elle est claire pour vous. Ces trois paroles-là s'opposent les unes aux autres, par rapport à toute la fatwa. Donc on poursuit. D'abord, Qu'est-ce que la daroura comme celle-ci a été définie par les ulama, par les imams? Qala al-alama az-zarkashi qala bulu al-mukallaf haddan in lam yatanawal al-mamnu' halak aw karab. Qu'il est dit que c'est le fait que le mukallaf celui qui, sur qui s'impose les charges de la religion, d'accord? C'est-à-dire le muslim, l'abd qui est adulte et qui est aqil. Il dit celui qui atteint un stade si grave que si jamais il n'enfreint pas, il ne commet pas un interdit, il mourra ou il sera sur le point de mourir. Cheikh Issam Taymi, il dit وَمَّا الدَّرُورَةُ الَّتِي يَحْصُلُ بِعَدَمِهَا حَصُلُ الْمَوْتِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ الْوَاجِبَاتِ كَالدَّرُورَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَكْلِ الْمَيِّتِ. Il dit que la darura est celle qui, sans laquelle, si jamais, elle est, si jamais on ne l'applique pas, c'est-à-dire on ne commet pas cet interdit, il en suivra la mort ou une maladie ou une incapacité à accomplir une obligation. Comme le fait, Marcelin, d'autoriser de manger de la chair morte pour celui qui est sur le point de mourir. Car la daroura, elle est relative. Elle peut aussi s'expliquer par rapport au wajibat dans la religion. Des choses qu'on est obligé de faire, et si on ne les fait pas, il nous est permis de commettre certains actes pour y parvenir. Qala al-imam al-mujaddid de Mokbel ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, Hicham Mokbel, qala al-muttar huwa allazi yakhsha ala nafsihi min al-talaf, ou yakhsha an yahla bihi, ou bimalihi, ou irdihi ma la tahammalu. Qu'il dit que, Cheikh Mokbel, le muttar, c'est-à-dire le contraint, celui qui est sur le mukra, celui qui est sur la daroura, est celui qui craint pour sa propre vie, la perte de sa vie, ou qui craint qu'il ne lui arrive dans ses biens, c'est-à-dire une perte de ses biens réels, dans son honneur, c'est-à-dire sa famille, ou même sa personne, du fait, par exemple, qu'il soit tout nu, n'ait pas de vêtements, des choses qu'il ne pourrait supporter. Après, il faut savoir différencier entre ce qu'on appelle la daroura et le hajat. Hajat, c'est les besoins. Toujours Az-Zarkashi, il donne la différence qui est entre le hajat et le daroura. Il dit, مثلاً, كان مضطر للأكل أو اللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عالياً لمات أو تلف منه عدو وهذا يبيح تناول المحرم. Il dit, c'est comme celui qui serait contraint, مثلاً, à manger ou à s'habiller du fait que si jamais il ne mange pas, du fait qu'il est affamé, qu'il va mourir, ou le fait qu'il ne mange, qu'il ne s'habille pas, qu'il est complètement nu. Donc lui, à ce moment-là, il lui est permis d'enfreindre selon la mesure du besoin. Walhaja kaljai allazi lam yajid ma yakul lam yahlak ghayra annahu yakunu fi jahd wa mashaqqa wa hadha la yubih al muharram. Et dit alhaja, c'est comme celui par exemple qui aura faim. D'accord? Il a faim, cependant même s'il ne mange pas, il n'en mourra pas pour autant. Qui vont subir des difficultés, d'accord, la grosse fatigue, la machaque, la difficulté qu'il y a dans. Et lui, à ce stade-là, il ne lui est pas permis, justement, de commettre des interdits pour cela. Il n'est pas arrivé au stade de Daroura. Et Cheikh Othaymin, il dit, en décrivant également, il dit que ça, la Daroura, c'est ce qui amènerait peut-être à perdre la vie ou un membre, c'est-à-dire un membre du corps, ou réaliser les cas. Et il dit que la Hajja, c'est ce qui nous empêche d'atteindre la perfection dans le besoin de la chose que l'on veut accomplir. Il y aura un manque. D'accord ? Il y aura un manque dans ce qu'on veut accomplir. Il donne l'exemple, la daroura, celui qui peut yubih al-muharramat tahrim maqasid. Mithl akl al-mayta liman khashya al-halak. Donc la daroura te permet d'enfreindre dans ce qui est une chose qui est interdite, qui est un aboutissement interdit en lui-même. Je m'explique. Le fait de faire la fornication, c'est une chose qui est interdite, qui est un aboutissement interdit. D'accord ? C'est un aboutissement qui est interdit en lui-même. Et la mixité, c'est un moyen qui mène vers cet interdit. Donc la mixité a été rendue interdite car elle mène vers cet aboutissement. Donc là, il dit par contre, la haja, c'est une chose qui permet d'enfreindre les interdits qui, eux, mènent à cet aboutissement. Donc, différence entre le tahrim, tahrim maqasid, c'est-à-dire l'aboutissement en lui-même qui est interdit, et tahrim al-wasa'il, qui est l'interdiction du moyen qui mène vers cet aboutissement interdit. Et Cheikh Al-Faymin, il dit qu'il est permis d'enfreindre l'interdit pour la daroura avec deux conditions. Il dit, premièrement, que celui qui commet cette interdiction soit contraint de commettre cet acte-là en lui-même. D'accord? L'acte qui va, interdit qu'il va commettre, il n'y a que celui-là qui peut faire. Il doit le faire. D'accord? Et que autre ne pourrait repousser le mal dont il est atteint. Par contre, s'il trouve autre chose, alors il ne lui est pas permis de le faire. Et deuxième condition, cet acte interdit qu'il va commettre, il est certain qu'il va repousser ce mal dont il est atteint. Avec la certitude. Pas une chose dont on doute ou dont on pense que là, il faut que ce soit sûr qu'en faisant cet acte-là, par exemple, comme celui qui va mourir, il sait que s'il mange un bout de viande qui est de chair morte, ou celui par exemple qui va mourir de soif, et il y a un verre d'alcool devant lui. S'il le boit, ça va le déshydrater, un minimum. Par contre, il dit si on doute de la réussite de cet acte, de son aboutissement positif, alors il dit à ce moment-là, ça reste interdit, on ne le fait pas. Il dit on ne commet pas un interdit sûr pour un résultat dont on doute. D'accord? On ne commet pas une chose dont le mal est sûr pour arriver à un résultat dont la positivité est remise en doute. Elle n'est pas garantie. Et l'imam Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit dans Zad al-Ma'ad que ce qui est interdit, c'est-à-dire il parle de ce qui est interdit, qui est un moyen qui mène vers un aboutissement interdit, cela est rendu permis lorsqu'on sait qu'il y aura un bien prédominant. Un bien prépondérant. D'accord? Un bien prépondérant. Sûr. Donc la mixité, quand on regarde bien le mal, par exemple, entre la mixité, ce à quoi elle emmène, il y a une mafsada qui est sûre et certaine. Même si tu ne fais pas zina, il y a un mal qui est sûr, car la religion l'a interdit. Et le fait de ne pas travailler, ou de ne pas entreprendre des études facultatives, est le mal qui en résulte. Lequel des deux est plus néfaste? Lequel des deux est plus néfaste? Car des gens ont travaillé à l'école, d'accord, et ont obtenu un diplôme et n'ont même pas travaillé dans le domaine dans lequel ils ont été diplômés. Il y en a plein de gens comme ça. Tout comme il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas de diplôme. Et des gens, ils ont travaillé sans études. Le risque qui vient d'Allah, Azawajel. Maintenant, ce sont des causes, bilashek, mais ce ne sont pas des choses sans elles. C'est sûr que tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Ça, non. Alors que la mixité en elle-même, tu es sûr qu'il y a une mafsada derrière. Car elle était interdite. Même si tu ne fais pas, tu ne tombes pas dans la fornication au final. Après, on dit que son conseil de chercher un diplôme pour faciliter la hijra, non, c'est un conseil qui est raisonnable. Si la personne est toujours sur place, bien évidemment. À savoir qu'également, il peut poursuivre une formation en étant sur place en pays d'islam, et peut-être même sans commettre d'interdit. C'est-à-dire, dans un pays d'islam, il n'y aura pas de mixité, il n'y aura pas tout ce genre de choses. Ce qui le sortirait encore plus de cette daroura que Al-Chalabi s'est imaginé. S'il y avait le daroura. D'accord? S'il y avait question de daroura. En réalité, cela n'est ni une haja, ni une daroura. Également, il faut que cette formation, elle ne lui permet pas de retarder son départ. C'est les moyens de partir. Car la base, comme on dit dans les usul, c'est que Al-Amr, yakun al-Fawr. Il y a un khilaf, c'est-à-dire que lorsqu'un ordre vient dans la religion, la base, c'est qu'on l'applique sur le champ. À part certaines choses qu'on sait, qui ont des ordres. Par exemple, il y a des temps définis comme le Hajj, comme la Salat, comme le Siyam, il y a des temps définis. Mais la base, c'est que lorsqu'un ordre vient dans la religion, c'est qu'on doit l'appliquer sur le champ. Maintenant, il y a des ulama, ils ne voient pas cela, mais ça, c'est l'avis qui est le plus fort. Donc celui qui est prêt à faire la hijra, il doit la faire sur le champ, dès qu'il est prêt à la faire. Donc on dit que cette formation serait un acte recommandé. Allez, on accorde que ce sera recommandé. On ne fait pas devancer un acte recommandé sur une obligation impérative. Alors que dire d'une chose qui est simplement permise, comme le fait justement de prendre ce diplôme? Est-ce qu'il a une garantie qu'il ne va pas mourir en terre de Kouf au moment où il fera ce diplôme? Est-ce qu'il sait qu'il va mourir? Car à la base, le muhajir, le but c'est qu'il meure en terre d'islam. Donc celui qui meurt en terre de Kouf avant d'être parti et qui n'a pas encore entrepris vraiment les causes réelles et indiquées, il n'aura pas le âge de la hijra. Et même ce diplôme, il n'a même pas de certitude qu'il va l'avoir non plus, également. Il se peut qu'il fasse une formation et au final, il rate l'examen. Donc ça fait beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Donc on dit que ce n'est pas une haja parce que le Chalabi lui-même a dit que c'est pour faciliter. Lui-même l'a dit, c'est pour faciliter. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Les versets de la hijra. Lorsqu'on analyse ces versets, dans le sens où Allah dit, certes ceux dont les anges arrachant les âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, ils diront, dans quoi étiez-vous? Ils diront, nous étions des affaiblis sur terre. Ils diront, la terre d'Allah n'était pas assez vaste avant que vous puissiez émigrer. Cela, leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc déjà, ça prouve que c'est un grand péché, car il y a une grande menace, au final, de ne pas faire la hijra pour celui qu'on est capable. Et la hijra, bien évidemment, comme le montre ce verset, est une obligation pour celui qui ne peut extérioriser sa religion en terre de Kouf. Et ça, c'est le cas en France à 100%. En plus, dans le verset, lorsqu'il dit « Hormis les affaiblis parmi les hommes et les femmes et les enfants qui ne peuvent accomplir son voyage et qui ne connaissent le chemin. » Ça montre également que, parmi les conditions de la hijra, que tu sois en mesure de partir, que tu aies les moyens financiers, que tu sois en sécurité, en bonne santé, c'est-à-dire que tu puisses entreprendre ce voyage, et que tu aies une destination finale à laquelle arriver, qui est un état d'islam. C'est pour cela que certains ulama aujourd'hui disent que c'est vrai, des fois la hijra, elle est difficile à faire dans certains pays, car on te demande des papiers et souvent on te refoule. Donc si tu sais que c'est un pays où on va te refouler automatiquement, tu n'as pas à t'y rendre, bien évidemment. Maintenant, si tu ne sais pas, et là-bas c'est qu'on t'accepte, ne dis pas « peut-être qu'on va me refouler », non. Là-bas, c'est qu'on t'accepte. Après, c'est quand dans l'Allah Shafa'al. Également, on voit qu'il n'est pas conditionné lorsqu'il dit à Azawajel que celui qui émigre sur le sentier d'Allah, il trouvera sur terre mainte abondance. Et que celui qui sort de sa maison en tant qu'émigré vers Allah et son messager, et que la mort le rattrape, alors sa récompense incombe à Allah Azawajel, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ces versets également à la fin nous montrent qu'il n'y a aucune condition que d'avoir un travail qui nous attend ou autre pour faire la hijra. Car Allah a fait sa promesse dans les versets que celui qui émigrera trouvera main des abondances. Et c'est un mot qui est large, main des abondances. Shawkani dans Fath al-Qadir, dans son tafsir, il dit « هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة والتنشيط إليها » que ce verset, lorsqu'Allah il promet les mains des abondances, il dit c'est une phrase qui a été donnée pour motiver la personne à partir. C'est pour motiver la personne à partir. Car il se dit, si je pars, alhamdoulilah, j'ai quelque chose qui m'attend, c'est la promesse d'Allah Azzawajal. Donc mettre le fait d'avoir un travail comme condition pour faire la hijra, cela reviendrait à rendre inutile cette promesse d'Allah Azzawajal au muhajir qui trouvera maintes richesses sur terre. Tout comme Allah donnait également l'éventualité d'être atteint par la mort en plein voyage. Ou alors peu de temps après son arrivée. Donc cela ne demande pas d'avoir un tel projet d'avenir. On te demande d'arriver là-bas en sécurité. Alhamdoulilah, après cela, tu es un wakkal. Après maintenant, c'est vrai que c'est difficile de dire je pars et quand j'arrive sur place, je n'ai plus rien. Naam, ça, tout le monde n'a pas la force de faire cela, bien évidemment. Mais il ne faut pas. Le problème, c'est que les gens mettent cela comme condition pour la hijra, comme si c'était une chose que Allah avait imposée. On dit non, dis-toi, tu n'as pas la force de le faire. D'accord? Mais ne dis pas que la hijra, il faut telle et telle chose pour la faire. Ce n'est pas vrai. Là, ce serait parler sur Allah Azzawajal. Maintenant, la yukalifullahu nafsan li wusaha. Que Allah n'impose pas une charge qu'elle ne peut supporter. Aïnam, ce qu'elle ne peut supporter. Mais des gens disent, pour la hijra, il faut ça, il faut telle somme. Faut... Non, on dit non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est toi qui as besoin de cela. Mais Allah n'a jamais dit qu'il fallait cela. Après, comme on dit, on ne peut imposer aux gens que ce qu'ils ne peuvent supporter. Dans cette fatwa, il dit, il cite la femme. Donc on demande, quel daroura y a-t-il pour la femme de devoir passer un examen? Si jamais, durant cet examen, il lui est permis d'être habillé de façon légiférée, qu'elle soit au milieu des hommes. Alors que dans d'autres audios que vous avez entendus auparavant, dans la première partie, il dit que ce n'est pas elle de travailler. Et dans la question là, il s'agit d'un couple. Ce n'est pas une femme seule, il s'agit d'un couple dans la question. Et en plus, il parle de métier d'homme. Mécanicien, électricien et hakada. C'est des métiers d'homme. Donc en quoi il cite la femme là-dedans? Autre question. Si l'homme, en plein examen, il y a un masjid à proximité, que c'est la salat. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Car là-bas, c'est qu'il est obligatoire de se rendre au masjid pour faire salat et jamara. C'est obligatoire. Même pour le travail, il n'est pas permis de laisser son fait à ce moment-là. Et la pauvreté éventuelle n'est pas une cause de daroura, sauf si la personne viendrait à mourir. Déjà, dans le Coran, Allah nous a averti que nous allons être éprouvés. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Que certes, nous allons vous éprouver par de la peur, un peu de peur, de perte de biens et de fruits et de proches. Donc faites la bonne annonce aux patients. C'est une chose que Allah t'a averti qui est arrivée, que ce soit muhajir ou pas. Donc la pauvreté en soi n'est pas une cause qui amène à tomber dans les interdits. Sauf, comme on l'a expliqué, celui qui viendrait à se trouver tout nu, complètement tout nu, qui n'a rien à se mettre sur lui, ou qui n'a rien à manger au point qu'il va mourir. Et quand bien même on arrivera à ce stade-là, sachez que les hadiths ont permis de demander aux gens. Car des gens disent « je ne veux pas mendier ». Car là, le fait de mendier, c'est avilissant, c'est rabaissant. On dit l'islam, alhamdoulilah, est une religion de miséricorde, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de mendier, sauf pour celui qui n'aurait pas de quoi manger vraiment, c'est-à-dire il n'a pas de quoi avoir son repas du midi. Une fois qu'il a son repas du midi, s'il n'a pas de quoi avoir son dîner pour le soir, si jamais il veut manger le soir, car à savoir que les salafs ne mangeaient que deux fois par jour, et des fois une fois par jour, contrairement à nous qui mangeons trois minimum par jour. Donc celui qui n'a pas de quoi avoir sur le moment même son repas dans le, avec lequel il a faim, il lui permet de demander de l'argent, de mendier. À ce moment-là. Donc, est-ce qu'il va faire un haram pour pouvoir manger? On dit non. Il t'est permis de demander aux gens à ce moment-là. Bifadlillahi ta'ala. Et l'avilissement n'est pas de manger lorsque cela est permis. L'avilissement, c'est de tomber dans le haram délibérément, alors que cela n'est pas une daroura. Et que cela est évitable. Donc, comme on dit, regardez bien la contradiction flagrante et le manque de clairvoyance, étant donné qu'il dit que c'est pour faciliter. D'accord? Ensuite, après, il dit que pour passer cet examen, il est dans la daroura et qu'il n'a pas d'autre solution. Donc, de là, il se permet d'autoriser la mixité. Et comme on l'a dit au début, on se demande pourquoi, puisqu'à la base, il juge cette mixité lors de l'examen comme n'étant pas interdite. Donc ce n'est plus une daroura à ce moment-là. Si dans ta vision des choses, ce n'est pas interdite, elle est permise. Comme, je ne sais pas moi, aller à tel endroit, c'est permis à la base. Donc pourquoi sortir tout ce tafsil, tous ces détails? On revient sur ça. Sur sa vision de la mixité qui n'est pas interdite. Car il a dit, il a défini comme étant le fait qu'on est loin les uns des autres, c'est-à-dire chacun est à sa table, tu ne me parles pas, je ne te parle pas, on ne se touche pas, ça ne dure que deux ou trois jours. Hadakul Hajib Jidden, ça c'est une chose qui est surprenante, que pour lui, si, dans ces conditions-là, ce n'est pas une mixité qui est interdite. Donc déjà on dit, qui a dit que ces conditions de la mixité étaient basées là-dessus? Qu'il ne fallait pas que l'on se parle, qu'il ne fallait pas que, qu'il y ait de contact entre nous, que ça dure deux ou trois jours. Le fait de se voir, le fait de se voir en lui-même est une illa qui amène à interdire la mixité. Le fait que le regard s'échange est en lui-même une mafsada. Et on sait très bien quel genre de femme on trouve, quel genre de femme on trouve lors des examens universitaires en France. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment une grosse mafsada. Voyakullah Azawajel, en parlant aux croyants de l'époque de la révélation qui étaient les meilleurs des hommes après les prophètes, mazakallahum qala qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika askalahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kulil mu'minat yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Il dit à Allah Azza wa Jalla, dit aux croyants qu'ils baissent le regard et qu'ils préservent leur partie intime. Cela est plus pur pour eux et que Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes qu'elles baissent le regard et qu'elles préservent également leur partie intime. Cheikh Mokbil, rahmallahu ta'ala, lui-même disait, il se peut que l'homme soit salih, un homme pieux, une sœur, elle soit pieuse, et il se soit malheureusement regardé à un moment, et qu'ils ont été touchés par la fitna l'un de l'autre. Ça peut arriver. Il n'est pas parti là-bas pour cela. Elle n'est pas partie là-bas pour cela. Mais ils se sont vus, et chacun est rentré dans le cœur de l'autre par rapport à la fitna. Et après, en cela, voilà, azubillah, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Il devient maftoun. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il se peut que tu sortes dans la rue, tu vois une femme qui te plaise, c'est mettre le cœur entier toi et essayer d'avoir des rapports avec ta femme pour oublier cette chose-là. Donc, le regard en lui-même. Donc, comment dire que la mixité, le fait d'être loin, on se voit quand même, malgré tout. Et combien d'histoires ont été citées dans les histoires de biographie, par exemple, comme dans Al-Bidaya ou Al-Nihaya de Ibn al-Kathir, ou dans Sir A'lam al-Nubala de Al-Zahabi, de gens qui étaient des hommes pieux et qui, après avoir vu une femme mécréantes ont apostasié pour la rejoindre. Il y a des histoires comme ça qui sont arrivées, par un simple regard. Après, d'autres adillets s'opposent à ce que dit Chalabi par rapport à sa notion de la mixité. Comme a dit Aïcha, radiallahu anha, fil hadith al-muttafaqun alayhi, qalat, law adraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ahdasa al-nisa, lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani Israël. Qu'elle a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu ce que les femmes font aujourd'hui, et ça, c'était l'époque de Aïcha, à l'époque des tabi'in. Elle dit Aïcha, c'est une sahabiya, mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'époque des compagnons, et les tabi'in, de la génération d'après, elle parlait, elle a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait ce que les femmes ont fait comme chose nouvelle, c'est-à-dire en sortant pour aller au masjid, car à la base, il est permis à la femme d'aller au masjid si jamais elle demande la permission, son wali doit lui autoriser, il dit, si jamais il avait vu ce qu'elles font aujourd'hui, il leur aurait interdit d'aller au masjid comme cela a été interdit aux femmes des Bani Israël, car la fitna a eu lieu chez les Bani Israël, comme vous le savez. La première fitna des Bani Israël, c'était chez les femmes. On dit quoi aujourd'hui en 1439? Qu'est-ce qu'on va dire sur les femmes? Qu'est-ce qu'elles font? Et là, parle de quoi? D'aller au masjid, qui est le meilleur lieu d'Allah Azza wa Jal sur cette terre. Buyut Allah. Là, on parle d'aller dans une université, en plus celle des koufars. Celle des koufars. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit sur toute l'année pour que le mal soit présent? وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها qu'il a dit النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith كذلك que le meilleur des rangs pour les hommes c'est dans le masjid c'est le premier et le pire c'est le dernier et le meilleur des rangs pour les femmes c'est le dernier et le pire c'est le premier pourquoi pour séparer entre les hommes et les femmes même dans le masjid qui à la base ils sont venus pour faire une adoration. Et malgré cela, même à ce moment-là, on sépare entre eux. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est vu dans le hadith de Hamza ibn Abi Usayd al-Ansari, qui a entendu son père dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti du masjid et qu'il a vu les hommes dans la rue, on parle de la rue, se mélanger aux femmes dans la rue. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit aux femmes: Istakhirna fa'innahu laysa lakunna an tahkukna at-tariq, alaykunna bihafati at-tariq. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به. Il a dit quoi? En sortant du masjid, il a vu les hommes et les femmes dans la rue se mélanger. Il s'est mis en colère. Il a dit, ça veut dire aux femmes, de se pousser. Il a dit, il ne vous revient pas de prendre le milieu de la rue. Vous devez vous mettre sur les côtés. Et les femmes ont zombie sur le champ, à tel point qu'elles sont collées au mur et que leurs vêtements sont salis de la terre des murs. Et ça, c'était quand? En sortant du masjid. Pourquoi également il a ordonné aux femmes qui étaient dans certains groupes de partir immédiatement après l'avoir accompli et il a dit aux hommes de tarder avant de sortir. Combien de temps cela ça dure? Ça dure même pas un jour ou deux jours, ça dure quelques minutes. Et Tchalabi dit que ça dure un jour, deux jours, trois jours, la baisse. C'est pas une mixité qui est interdite. La hawla wa la quwwata illa billah. Et d'autres adilés sont venus pour annuler cette vision que Tchalabi a de la mixité. Également on dit que la femme s'assoit loin de l'homme lors de l'examen. Moi à mon époque quand j'étais encore en France, il y a longtemps, lors des examens, dans beaucoup d'établissements, ce n'est pas toi qui choisis ta place. On t'envoie une convocation avec un numéro de place et tu t'assois à la place qu'on t'a décrétée. Tu ne choisis pas là où tu te mets. S'ils veulent te mettre devant, ils te mettent devant. Ils te mettent au milieu, ils te mettent au milieu. C'était comme ça à mon époque, dans beaucoup d'établissements. Aujourd'hui, qu'en est-il, je ne sais pas. Mais si jamais c'est le cas, comment cette sœur a fait pour s'asseoir là où elle veut? Elle ne peut pas. Elle est contrainte de s'asseoir là où on lui a ordonné. Là où on lui a imposé. Ça veut dire que pour Tchalabi, les conférences comme le font les Ikhwan aujourd'hui, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, pour lui, c'est pas une mixité qui est interdite. Hein, parce qu'on est loin les uns des autres, on ne se parle pas, ça dure une heure, deux heures, même pas un jour, deux jours, trois jours, et voilà quoi. Donc on aimerait que Tchalabi nous donne c'est quoi sa définition de la mixité exactement qui est interdite. Et celle qui est tolérée avec les preuves, bien évidemment. Taïb. Autre fait. Un autre audio que je cite ici également, qui a attiré mon attention. Il fut questionné. Est-ce qu'une jeune fille de 15 ans est dans l'obligation de se couvrir d'un djilbab? A-t-elle le droit de se couvrir uniquement d'un pantalon large et d'un voile? Tradacher. Une jeune fille de 15 ans est une femme. Elle peut se marier et avoir des enfants. Autant de l'imam Shafi'i, rahimahullah, on s'entend. Il y avait une fille, si je n'ai pas oublié, qui avait 12 ans. Naam, qui était déjà grand-mère. À 12 ans, elle était grand-mère. Elle avait déjà une fille et sa fille s'était mariée. Qu'en est-il, celle-là? Elle a 15 ans. El Mohim, je dis, elle doit mettre le djilbab. Sauf contrainte. Si ses parents ne veulent pas, ou bien la force à ce qu'elle ne mette pas, ou bien lui disent... si tu mets le djilbab, on t'expulse de la maison. Dans ce cas, ce sont des contraintes. D'ailleurs, il y a une petite audio de Cheikh Fouzan, rahimahullah. Si vous voulez, après, je peux vous la faire entendre. D'une reconvertie, si je n'ai pas oublié. Qui lui dit que mes parents ne me laissent pas mettre le djilbab, quelque chose comme ça. À celle-là, il a dit, habille-toi comme tu peux. Essaye au maximum de te couvrir. En mettant un foulard, en mettant n'importe quoi. Pourquoi elle est dans la contrainte? Il lui a dit jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la contrainte et qui peut mettre le djilbab, dans ce cas, elle n'est pas excusée si elle ne le met pas. Donc on voit déjà que Tchalabi, la question, je ne sais pas comment il a comprise, la question elle est claire. Le début de sa réponse, il est clair, il est correct. Il n'y a rien à dire. Il a répondu comme il fallait. Maintenant, Je ne sais pas d'où est venu ce besoin d'ajouter cet ajout par la fin. La sœur n'a jamais dit qu'elle était ni une convertie, ni contrainte, ni rien du tout. Il n'a pas de la question qu'on dirait qu'elle pense qu'à cet âge-là, à 15 ans, porter un djilbab n'est pas obligatoire. C'est tout. Donc pourquoi avoir besoin d'amener ce tafsil par la suite? Tellement il est habitué à vouloir trouver des contraintes aux gens et leur trouver des issues, que même lorsqu'il n'y a pas de contrainte, il va t'inventer une contrainte. La question n'a jamais cité cela. Et la question n'a même pas pensé cela. Juste qu'elle pense qu'à cet âge-là, 15 ans, peut-être qu'elle est encore jeune, le djilbab c'est pour une femme qui est mariée, qui est plus âgée ou quoi. C'est ça qu'on comprend de la question. En plus, on se demande sur quelle norme se base-t-il pour choisir la parole d'un savant lorsqu'il veut donner un exemple. Car ici, pas de dalil dans ces questions. Dans ce que j'ai entendu, en tout cas moi, il ne donne pas de dalil. Nous, on ne dit pas qu'il faut s'imiter un seul savant. D'accord? À chaque point. On dit, on prend le savant, et on prend les savants qui sont connus pour être accrochés au dalil. Ça, c'est marlouf. Bien qu'ils ne sont pas infaillibles. Donc là, un exemple pour arriver là où je veux en venir, il fait un questionner. Il dit. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Des enfants demandent s'il est autorisé de temps en temps de jouer à des jeux vidéo où l'on tue des gens virtuellement. Tfadal, cher. Ceux qui ont permis, ceux qui parmi les savants, qui ont permis de voir les dessins animés, donc ne voient pas aussi d'inconvénients, Wallahu ta'ala alam, à jouer des jeux comme ça, si il n'y a pas dans les jeux des choses qui sont interdites, comme la musique, ou bien des si aussi que yani, ça ne va pas influer sur les enfants, yani, dans leur caractère, etc., pour qu'ils deviennent violents, etc. Si on sait ça devient interdit, bi'idhnillahi ta'ala. Ici, si ce sont des gens, des jeux où yani, on ne voit pas des gens comme ça, comme nous, mais c'est juste des dessins animés, on tire sur un pigeon, on tire sur tout cela, inshallah ta'ala, si c'est pour les enfants, Allah ta'ala, on prend avec la vie qui permet ça aux enfants. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais avec des conditions, que son musique, son aura, et que ça soit pas tout le temps, et que ça soit pas tout le temps. Et étrangement dans sa question, il n'évoque que les savants qui autorisent les dessins animés. Et il est certain que ces savants-là sont extrêmement. Ils sont rarissimes. Les savants de la Sunna qui autorisent ce genre de choses, ils sont rarissimes. Et sûrement que ceux qui autorisent cela, comme on l'a entendu, ils ont des conditions. Ce n'est pas dans l'absolu qu'ils autorisent des dessins animés. Et malgré cela, ils ont tort. Car il est connu que le taswir est formellement interdit. Le fait de façonner des images, cela est interdit et des hadiths sont nombreux. Et tous ceux qui ont autorisé n'ont aucune preuve, ils n'ont qu'un ijtihad et un tawfiq qui vient de eux-mêmes. Ils n'ont aucune preuve qui leur permet de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est l'avis de la presque totalité des savants, des grands savants de la Sunna parmi les contemporains. Vous avez vu, des fois il dit, la plupart des savants disent, comme dans la fatwa de cette femme qui voulait voyager seule. Et là maintenant, pour le taswir, pour les dessins animés, il cite l'avis de savants qui, eux, voient les dessins animés alors qu'ils sont les moins nombreux. Ils sont les moins nombreux. Donc c'est quoi ton mizan? Comment tu choisis les moins nombreux, les plus nombreux? D'accord? Pourquoi alors, dans les vidéos tu cites plus Cheryl Fawzen, hein, pour les jeux vidéo? Pourquoi tu ne cites pas Cheryl Fawzen pour la mixité? Hein? Pourquoi tu ne cites pas Cheryl Albani pour le travail dans la mixité alors que lui-même Cheryl Albani voit que le salaire de celui qui travaille dans la mixité, son salaire, il est haram. Cheikh Albani est encore plus sévère. Pourquoi tu ne cites pas l'Albani à ce moment-là? Par contre, lorsqu'on t'est interrogé sur le fait de découvrir le visage, tu cites l'Albani. Donc, il n'a aucune norme dans l'Ifta. Il prend, comme on dit, après l'esprit de loterie, on passe à l'esprit des pioches. On prend ici, on prend par là. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de zawabit. Ça ressemble à ce que dit Cheikh Al-Othaymin dans son Sharh Usul, Min Ilm Usul. Il dit un moment, Rahimahullah Ta'ala, en parlant des ulama. Là, on parle des ulama, Qiyasan. Par rapport au hal de Tchalabi, bien qu'on a dit que Tchalabi, c'est pas un savant. Mais dans la vision des gens, il peut l'être. Mais là, c'est juste par analogie. D'accord? Il dit que les ulama sont de trois catégories. Il dit, awalan, alim al-milla, qui est le savant de la religion. Wallazi yattabi'a madallat al-milla al-islamiyya alayhi. Celui qui suit les preuves données de la religion. Qala, sawa wafaq al-hukam wa ara al-ama awla. Que cela correspond avec ce que veulent les gouverneurs ou les gens de la masse ou pas. Il donne la vérité. Après, il dit Alim, Alim ad-Dawla. C'est-à-dire, c'est le savant de l'État. Allazi yanzuru hawa ad-Dawlati wa madha turid. Celui qui voit quelles sont les passions du gouvernement, de l'État, et il émet les fatwas qu'elle désire. Quand elle veut rendre une chose permise, il la rend permise. Et ainsi de suite. D'accord? Alim ad-Dawla. Et celui-là, il est mazmoum. Ce alim-là, c'est un alim qui est blâmable, bien évidemment. Et le troisième, alim el-umma, c'est le savant de la communauté. والذي إذا قيل له حرام قال الناس واقعون في هذا فسهلوا على الناس. Il dit, c'est celui, lorsqu'on lui dit ça, telle chose, c'est haram, il dit oui, mais tous les gens font cela, alors facilitez la vie aux gens, dans le sens. Donc, Chalabi, parmi les trois, auquel il ressemble? Alim Dola? Non, il n'est pas reconnu par la Dola à la base, il n'a pas le lien avec l'État. Alim Al-Milla? C'est quelqu'un, il ne marche pas vraiment dans ce qu'on vient de donner là, au Dalil, qui amène un résultat concret, ni ne se base sur des faits, car déjà à la base, n'est pas apte à faire des fatawa comme il le fait. Il ressemble bien évidemment à ce alim de la Umma. Et on le dit bien, ce n'est pas un alim, c'est juste pour faire un qiyas, une comparaison. Mais ce n'est pas un alim, ce n'est pas un savant. Il est celui qui voit dans quoi les gens sont le plus souvent, le plus fréquemment, pour émettre un avis par rapport à cela, et non pas par rapport au dalil dans lui-même. Wallah musta'an. Donc si c'est vraiment les adillah, il ne donnerait pas autant de réponses fausses. Après, on cite un dernier point, une dernière fatwa, qui est légalement et gravissime, qui aurait mérité d'être cité en premier, mais bon. Quand dans la Machafal, j'ai mis en dernier. Taïeb, il faut interroger. Donc le frère demande, je voudrais savoir, la Terre tourne autour d'elle-même ou bien elle reste fixe. Donc le frère demande si la Terre tourne autour d'elle-même ou elle reste fixe. Ce que je sais, Allah Ta'ala alam, c'est qu'elle tourne autour d'elle-même tout en tournant autour du soleil. Elle tourne autour d'elle-même d'abord, tout en tournant. Je pense, Allah Ta'ala, que Cheikh Ben Outhaymin rahmoullah, a un avis différent. On dit, en effet, il a dit vrai. Cheikh Ibn Outhaymin rahmoullah Ta'ala, a un avis qui est différent du sien. Mais, si ce n'était seulement que Cheikh Ibn Outhaymin, encore ça pourrait faire passer le problème. C'est qu'il voit que la Terre tourne autour du Soleil, donc cela laisse entendre, il ne le dit pas, mais cela laisse entendre que le Soleil est fixe. Car si jamais ce n'est pas ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, et le Soleil tourne aussi autour de quoi, je ne sais pas. D'accord, je ne sais pas. Je ne connais pas cet avis-là, ni des astronomes, ni des ulama. Vous voyez? Et sans quoi, si jamais ça arrive au fait de dire que le Soleil est fixe, cela c'est le summum de la gravité, et cela est jugé comme étant du coufre, de la mécréance, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et même Al-Ajna al-Da'ima, sous sa présidence. Ils ont été interrogés, فَقَالَتْ إِنَ الْأَرْضِ ثَابِتَ كَرَّةً والشمس هي التي تدور حولها كما قال تعالى عز وجل الله الذي جعل لكم الارض قرارا وقال سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها وقال في الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ومن قال ان الارض هي التي تدور وان الشمس واقفه فهو مكذب للقران وتكذيب القران كفر اكبر نسال الله العافيه. Ils ont dit, les gens, ils ont dit quoi? Que la terre est fixe et que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Ça mène le fait de dire que la Terre elle est fixe, c'est une parenthèse, c'est une question sur laquelle il n'y a pas de dalil vraiment apparent, clair, et sur laquelle il y a khilaf. D'accord? Quelqu'un qui dit que la Terre elle tourne en elle-même, sur elle-même ou quoi, ça ne mène pas, ça mène pas à un sujet de blâme. Ça, c'est une chose qui est interprétable. En tout cas, le shahid, c'est quoi? C'est qu'ils disent que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est ça le point le plus important, que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Dans le sens où Allah est dit, Allah qui vous a fait de la terre un lieu stable. Eux, c'est ça leur dalil pour dire que la terre, elle bouge pas. Les ulama disent non, elle est stable dans le fait que pour nous, elle est stable, elle bouge pas. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas en rotation sur elle-même. Après, ils disent comme Adillah, que dans le sens où Allah dit que le soleil, d'accord, le soleil se dirige vers un gîte qui lui est précis. C'est-à-dire, en arabe, il dit tajili, c'est-à-dire le fait de courir, d'avancer, de couler même, d'accord, qui indique un mouvement de direction. Et comme preuve également, il donne kullun yajri ila ajalin musamma. Chacun, c'est-à-dire en parlant de la lune et du soleil, se dirige vers un terme, une location bien fixée. Une localisation, en fait, localisation bien fixée, un terme bien fixé. Donc il dit, celui qui dit que la Terre tourne autour du soleil, que le soleil est fixe, lui, il a démenti le Coran. Et démenti le Coran, cela est de la mécréance majeure. Et ça, c'est la légende d'Aïma, sous la présence de Cheikh Ibn Baz, avec Bakr Abu Zayd et El Fawzan. Et il y a d'autres preuves. D'accord? Il y a d'autres preuves qui démontrent que le soleil, c'est le soleil qui bouge, et la terre, elle ne bouge pas, que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Dans le Coran, il y en a d'autres. Dans la Sunna, il y a le hadith de Abi Dhar, Muttafaqun Alayhi, où il dit qu'il est rentré dans le masjid et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Et lorsque le soleil s'est couché, il a dit, Ya Abi Dhar, hal tadri ayna tadhhab hadhihi? Il dit, oh Abu Zar, si tout se rend celui-ci, c'est-à-dire le soleil, parce qu'en arabe, c'est soleil, c'est féminin. J'ai dit, قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. J'ai dit, Allah et son messager sont plus savants. قَالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنَ لَهَا فَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ثُمَّ قَرَأَ ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا. Donc il dit, c'est comme si elle partait pour demander la permission de se prosterner. Après, on lui autorise. Et après, c'est comme si on le disait, c'est-à-dire, retourne d'où tu viens. Et c'est de là qu'elle se lèvera de son couchant. Là, il fait allusion au signe de la dernière heure, d'accord, que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Donc il dit bien que c'est le soleil qui se déplace. Et dans le hadith de Abu Huraira, dans le Shimam Bukhari, lorsqu'il parlait d'un prophète, Yusha, alayhi salam, Yusha, qu'il traduise par Josué, le jeune garçon qui était avec Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a fait son voyage vers Al-Khadir, dans Sourate Al-Kahf, dans la caverne, qui est devenu un prophète après sa mort, il est parti faire une conquête en djihad. Faqala dans le hadith, faqala, fa'aza fadana min kuryati salat al-asr. أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم. Qui s'est rendu, il s'est rapproché de la contrée qu'il devait combattre proche de l'heure du Asr. C'est comme si en fait à leur époque des ulama disent que après le coucher du soleil il n'y a plus de combat, ils devaient combattre leurs ennemis avant l'heure définie. Donc il a dit quoi? Il a dit au soleil, tu as reçu des ordres et moi aussi j'ai reçu des ordres. Après, il a invoqué Allah Azzawajal de retenir le soleil. C'est-à-dire que le soleil ne bouge plus, ne se déplace plus. Et le soleil fut retenu. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est la terre qui était retenue ou c'est le soleil? C'est le soleil qui était retenu. Ce qui prouve que c'est le soleil qui bouge. Et comme on l'a dit, parmi les signes majeurs de l'heure, que le soleil se lèvera de son couchant. Et de là, la tauba ne sera plus acceptée. Et également, la hijra n'aura plus lieu d'être. Donc là également, c'est un point extrêmement important qu'il a contredit par sa parole en disant que c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est quoi tes adillets pour dire cela? Et on aimerait savoir, si jamais cela existe, quel savant a dit cela avant lui? Moi, je connais cela que je l'ai appris à l'école, chez les koufars, et ce que les scientifiques ils disent. Maintenant, dans la religion de l'islam, je ne connais pas ce qu'on a. Et autour de moi, je me suis renseigné, je ne connais pas ce qu'on a. S'il a une faïda qui nous la donne. Et quand bien même il y aura le rapport d'un alim par rapport à cela, on veut le dalil qui va avec, bien évidemment. Donc on finira en disant qu'il ne revient pas à Tchalabi, s'il lui viendrait l'idée de vouloir se défendre et de ne pas accepter les erreurs, d'aller chercher ses audios précédents en disant oui, mais avant j'ai dit cela. Là, j'ai précisé telle chose. Là, j'ai fait telle chose. On dit là, ça rentre dans la qaïda du haml al-mujmal al-mufassal. Haml al-mujmal al-mufassal. C'est-à-dire que quelqu'un dit une parole avec une erreur devant toi, une erreur claire. Et après, lorsque tu le reproches, il dit non, mais dans mon livre, dans telle page ou dans tel audio, j'ai dit autre chose. On dit non, nous, on juge ton erreur maintenant devant nous là. Soit tu dis non, c'est vrai, j'ai fait une erreur, je ne vais pas dire cela. Et en réalité, mon avis, c'est telle et telle chose. Revenez à tel audio. Mais faire comme s'il n'avait rien fait, que l'erreur n'avait pas lieu, du fait qu'il veut faire croire que moi, ma position n'est pas celle-ci, car elle est connue des gens dans d'autres audios. On te dit dans d'autres audios, tu as dit la vérité. Et là, actuellement, tu as dit le faux. Donc ton faux, tu le corriges. Et tu le reconnais. D'accord? Il reconnaît qu'à ce moment-là, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Car des gens ont entendu ces audios-là. Et ce n'est pas tout le monde qui a entendu les audios auparavant. Ça se trouve à nouveau, il est arrivé, il a entendu le dernier. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là? Il va prendre les derniers audios et il va les croire. Dame. Donc après qu'on ait démontré un modeste échantillon de son faible niveau et son inaptitude à répondre à bon nombre de questions, je finis, je clôture en citant des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, tirées de son splendide ouvrage qui est « I'alam al-muwaqqi'in » en espérant qu'Allah Azzawajal accordera le tawfiq à Tchalabi qu'il prenne conscience du danger auquel il s'expose et qu'il fait encourir à ses suiveurs et ceux qui le questionnent et qui le prennent pour un homme de ilm, un homme de science expérimenté, vers qui ils doivent revenir pour toutes leurs questions, chose qui n'est pas le cas. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فخطر المفتي عظيم فإنه موقع عن الله ورسوله زعيم أن الله أمر بكذا وحرم كذا أو أجب كذا. Que l'affaire du mufti, c'est une chose qui est immense, car il parle d'Allah et de son messager. Là il dit muwaqqi, c'est-à-dire quand le fait de signer, c'est-à-dire en fait il représente Allah et son messager lorsqu'il parle, car il va prétendre que Allah a ordonné telle chose ou interdit telle chose, vous rendu obligatoire telle chose. Et comme lui, le Tchalabi le dit, a rendu permis ou telle chose. Et il dit également, « Li'alam al-mufti amman yanubu fi fatwa wa liyuqin annahu mas'ulun adan wa mawqufun bayna yadayhi Allah. » Que le mufti sache au nom de qui il parle et qu'il est sûr qu'il sera interrogé demain, qu'il se tiendra debout devant Allah Azzawajal et qu'il sera interrogé pour les fatwas qu'il aura émises. وقال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه بما شرعه كان قائلا عليه بلا علم. Également c'est le fait que Allah interdit de parler sur lui sans science, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes et dans ses règles. Et que le mufti est une chose, est une personne qui informe au nom d'Allah Azzawajal dans sa religion. Donc si jamais ce dont il informe n'est pas conforme à ce que Allah a légiféré, alors il aura parlé sur Allah sans science. Chose qui est blâmable avec de nombreux dalils à l'appui. Naam. Donc là on va s'arrêter ici. Tamam. Wa nas'al Allah an yuwaffiq al-jami' lima yuhibbu wa yardah. وأن يهدينا سواء السبيل وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.